Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, voici Une vie, une œuvre, avec une émission consacrée aujourd'hui à Charles Perrault. C'est donc avec lui que nous achevons notre série sur les grands conteurs pour enfants, mais comme pour Lewis Carroll et Carlo Collodi, qui sont surtout connus à travers leurs personnages d'Alice et de Pinocchio, eh bien Charles Perrault est loin de se résumer à ce que l'on sait de lui, c'est-à-dire en gros qu'il est l'auteur des contes de ma mère Loi. Alors quel a été l'autre versant de sa littérature? C'est sur cette question que nous allons ouvrir la réflexion sur la vie et le travail de Charles Perrault. Et puis nous reviendrons sur la fameuse querelle des anciens et des modernes. Il a largement contribué à la lancer, pour ne pas dire plus. Puis nous parlerons aussi du contexte historique de l'époque, c'est-à-dire de la place qu'a eu Perrault dans le siècle de Louis XIV. On sait qu'il était un favori de Colbert et Colbert s'est progressivement séparé de lui, ce dont, dans un sens, on peut se réjouir puisqu'il a profité de ce nouveau temps libre pour justement écrire les contes qui vont graver son nom dans l'histoire, contes dont on va essayer de traquer aujourd'hui le sens et la morale dans une émission produite et réalisée cette semaine par Simone Dweck et Dominique Costa. Albert Bobinette est le directeur du Centre de recherche et d'analyse des contes à l'Université de Chicoutimi. Assis sur son fauteuil de cuir, il regarde la mini-jupe rouge, le corsage transparent de soie rouge, les bas résille noirs, les boucles blondes de Pauline Laframboise, son étudiante préférée, se balançant dans son fauteuil de cuir fauve, Albert Bobinette parle à Pauline d'un conte de Perrault. La férocité du loup n'est que la douceur autoritaire de la grand-mère, continuée par d'autres moyens. En réalité, dans ce conte, la grand-mère est déjà un loup, le loup est encore la grand-mère. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte. Toc, toc. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chérera !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. On connaît une appellation, un peu comme sur un grand cru, une étiquette, les contes de ma mère Loi. On le connaît pour ses contes, mais en fait, il a joué un rôle très important dans le siècle, qu'on appellera donc le grand siècle, le siècle de Louis XIV. Et il a joué un rôle fondamental dans la querelle des anciens et des modernes, où il a pris le parti des modernes et où il est même devenu le chef de file de la modernité. Mais dans une modernité tout à fait organisée autour de la notion de classique, c'est-à-dire une modernité très contrôlée. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfant, si fâchés qu'on ne saurait plus. Et si terrible. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, qui ne s'enfuit de devant lui, de la vaisselle d'or et d'argent. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme. Il était une fois la plus hautaine. Dans un royaume fastueux et véritable, un conteur écrivait ses mémoires. Il lui restait encore 3 ans à vivre. On ne sait pas s'il y pensait. En tout cas, il racontait sa vie à ses descendants. Il n'avait pas idée non plus, évidemment, de toutes les métamorphoses que connaîtraient les personnages de ses contes, ni des réécritures que ceux-ci susciteraient. Vous rappelez-vous dans son récit à lui, la suite cruelle de La Belle au bois dormant? Il ne suffisait pas qu'un prince eût réveillé sa princesse. Des frères Grimm, donc, à Tex Avery, et même, tout près de nous, Gilbert Lascaux. De ses mémoires, nous n'apprendrons rien sur ce qui fait aujourd'hui sa notoriété. ni de l'attribution qu'il fit à son fils de ses 8 contes en prose, à laquelle les spécialistes ne prêtent pas crédit, ni de la genèse, enfin, des contes de Perrault. Et même si vers la fin de ses souvenirs, on lit des confidences sur les préoccupations d'un père de famille pour l'éducation de ses enfants, les mémoires s'arrêtent aux circonstances de l'écriture du parallèle des anciens et des modernes. Son premier conte en vers, Chrysélidis, n'est pas encore écrit l'année où se termine l'histoire de sa vie. Et dans ces pages, alors, on verra célébrer l'intelligence d'un homme, lui-même, révélée dès sa plus jeune enfance. On y verra se déployer toute la vie de la cour, les grands travaux du règne de Louis XIV. Dans ce récit, en forme d'autoportrait, entre intrigues de cour, dossiers financiers, amitié et inimitié, se dessinera pour nous un Charles Perrault ignoré, un politique, chantre de la gloire du roi, ne doutant pas un seul instant de son génie ni de ses compétences, affirmant, auprès de Colbert, l'utilité de son incontournable présence. Voici cet homme. Très ambitieux, sans doute, persuadé d'être l'homme dont Louis XIV a besoin pour glorifier le régime, persuadé aussi que l'ensemble des artistes peuvent œuvrer à la glorification du régime, mais qu'en retour, ces mêmes artistes devront à la gloire du roi leur propre pérennité, avec un échange de bons procédés en quelque sorte, et c'est sans doute ce qui est au cœur de la querelle des anciens et des modernes. Perrault se persuade très tôt que la position des modernes sera à terme celle qui sera la plus agréable à Louis XIV, parce que la mieux à même d'asseoir la réputation et la pérennité du régime Louis XIVien. Il est un pur produit de ce siècle, en ce sens qu'il il appartient à une famille de noblesse d'Europe. À Nicolonia. Son père est avocat au Parlement de Paris, donc c'est une aristocratie nouvelle, en ce sens qu'il n'y a pas des ancêtres héroïques comme pour les grandes familles de princes, mais en revanche, donc, une fierté d'appartenir à une classe bourgeoise aisée. Avec des frères, il est le dernier d'une fratrie, il a un frère jumeau qui meurt à 6 mois, et il a donc 4 frères qui vont tous jouer un rôle important. L'aîné est avocat, comme le père, le deuxième est receveur général des finances, et il jouera un rôle important, puisque le jeune Perrault sera un temps à son service, c'est là où il fera ses classes, comme on dit. Claude, qui est le troisième, docteur en médecine et architecte, alors lui on le connaît mieux parce que grâce à son frère Charles, c'est lui qui va avoir la responsabilité de la fameuse colonnade du Louvre après l'éviction du Bernin. Le Bernin, célèbre artiste architecte italien, qui avait fait un projet extrêmement baroque pour cette façade du Louvre et qui finalement a déplu et qui a été refusé, le Bernin furieux est reparti en Italie, et c'est donc Claude Perrault qui a eu ensuite la responsabilité de la colonnade. Ça, c'est amusant d'ailleurs de lire dans les mémoires de Charles Perrault. Exactement. Cette haine, hein, je crois que c'est le mot. Exactement, oui, règlement de compte envers le Bernin. Voilà, ça c'est intéressant parce que cela s'inscrit dans... Bon, il y a cette querelle entre ancien et moderne, mais il y a aussi, on peut le dire, la querelle entre baroque et classicisme. Et donc l'esprit classique qui vient en quelque sorte supplanter le baroque et qui fait disparaître toute la vitalité baroque, tout ce que les Italiens avaient pu introduire en France, et qui une page finalement qui se referme. Donc là, on peut dire que Perrault, pour le coup, est le porte-parole des classiques, d'un ordre classique, d'une rigueur classique. Et puis donc il y a Nicolas qui est passionné de mathématiques et docteur en théologie, exclu de la Sorbonne pour avoir défendu les théories jansénistes de la famille Arnaud. Et notre Charles, donc, né en 1628, est un produit de son temps, en ce sens qu'il va chercher à s'élever, au sens fort du terme, dans la hiérarchie sociale, à trouver sa place évidemment à la cour. Hein. À cette époque-là, il n'est pas pensable de s'illustrer ailleurs qu'à la cour, à Versailles bien sûr, et de trouver sa place donc auprès du roi. et de gagner pour sa famille des charges. Et c'est intéressant pour nous parce que c'est là où la réalité rejoint la fiction, c'est la leçon du petit poucet. C'est-à-dire que si on lit le petit poucet, à la fin du conte, après avoir vaincu l'ogre et lui avoir dérobé les bottes de 7 lieues, il se met au service du roi, il fait campagne auprès du roi, un peu genre d'Artagnan en quelque sorte, hein. Il s'illustre sur les champs de bataille, il plaît aux dames, Perrault le précise, et finalement il fait fortune, et grâce à ses biens, ses richesses, il peut acquérir des charges pour sa famille. Donc en quelque sorte, le petit poucet, c'est Perrault lui-même. Comment a commencé, j'allais dire, la prise de pouvoir de Charles Perrault, Marc Escola? Lorsqu'on regarde la chronologie des œuvres de Perrault, on constate que après une série de petites pièces galantes destinées au cercle mondain, à l'entourage de Fouquet, très vite Perrault prend l'habitude, comme d'autres auteurs de la période, de saluer tous les événements du règne de Louis XIV, que ce soit une naissance royale, que ce soit une victoire, par des pièces de circonstances, par des poèmes officiels qu'il offre évidemment à Louis XIV et qui lui valent peu à peu toute une série de reconnaissances, de pensions, jusqu'à acquérir une position assez officielle aux côtés de Colbert, quelque chose comme un ministère. Ministre de la culture, en oui, fait. Oui, ministère de la culture, d'abord pour tout ce qui touche au bâtiment, c'est sa fonction officielle, mais comme il est par ailleurs académicien et bientôt un des directeurs de l'académie, il cumule une série de charges qui touchent à peu près à tous les domaines de la vie intellectuelle et de la vie artistique. Et donc leur collaboration va durer une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années jusqu'à une brouille à la suite notamment de malversations dont un des frères Perrault est accusé. Charles Perrault prend évidemment la défense de son frère, mais Colbert saisit l'occasion pour se débarrasser de Perrault dans ses charges officielles qui reviennent au fils de Colbert. Et puis, très vite après, c'est la mort de Colbert, l'arrivée de Louvois, et là, Perrault est progressivement mis à l'écart de tous les cercles influents jusqu'à se retirer dans sa maison bourgeoise de la rue de l'Estrapade, je crois, et s'adonner à ce moment-là à des activités entièrement privées, l'éducation de ses enfants, et à peu près au même moment, la rédaction des contes. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Podane donc prend sa farine, qu'elle avait fait bluter exprès pour rendre sa pâte plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt, par hasard, il tomba dans la pâte un de ces anneaux de Grand Prix. Mais ce qu'on tient à savoir le fin de cette histoire assure que par elle, exprès, il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire, fort sûr que quand le prince à sa porte aborda et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point, la femme est si drue, et son œil va si promptement qu'on ne peut la voir un moment qu'elle ne sache qu'on l'a vue. Je suis bien sûr encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que de son jeune amant la bague ne fût bien reçue. Jean-Paul Sermin, Charles Perrault, a écrit ses contes assez tard dans sa vie. Il avait un peu plus de 60 ans. Alors, est-ce qu'on peut penser que ces contes, que l'écriture de ces histoires ait été le fruit d'une lente maturation après tout ce qu'il a pu écrire depuis qu'il écrit, depuis qu'il tire la plume au fond? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une volte-face dans laquelle cet homme est décidé à affirmer autre chose dans la littérature? Je serais assez tenté de répondre tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. C'est quelque chose de fondamentalement nouveau, puisqu'il a publié surtout, disons, une littérature liée au pouvoir, une littérature d'éloge, ou bien une littérature religieuse, une poésie religieuse. Et puis, donc à partir des années 1680, il se trouve progressivement écarté de ses fonctions officielles, qui étaient celles donc de s'occuper des bâtiments. Et puis il va à partir de 1687 être l'instigateur et le protagoniste principal de ce qu'on a appelé rétrospectivement la querelle des anciens et des modernes. Et dans ce combat où il prend de nouveau le premier plan, mais sur un registre différent de précédemment, il va être amené à capter en quelque sorte ce qu'a de nouveau le conte et ce qu'on appellera à partir de 1698 le conte de fées. Ça correspond sans doute aussi à un moment peut-être de retrait et de méditation plus religieuse, donc c'est bien lié à sa maturité. Et puis découvre peut-être aussi des talents nouveaux qu'il n'avait pas, en particulier de prosateur, puisqu'il était surtout poète et puis d'un genre de poésie qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui. Et donc il se découvre donc cette nouvelle inspiration, ce nouveau talent, et il va être un inventeur avec d'autres, qui sont surtout des conteuses, inventer un nouveau genre et se servir de ce nouveau genre dans sa lutte contre les anciens et en faveur des modernes. Donc c'est la querelle des anciens et des modernes qu'il oppose à Boileau. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce parallèle des anciens et des modernes et qu'est-ce qu'il y avait déjà dans ce poème du siècle de Louis le Grand ? Le parallèle, c'est un peu une suite, non ? Alors, oui, d'abord, donc, la grande affaire aussi pour un auteur de son temps, c'est l'Académie française. Donc, il essaie d'être élu à l'Académie française et il pose une première candidature en 1669, qui va échouer. Et finalement, il sera élu en 1671. À ce moment-là, donc, il prend part aux délibérations et joue un rôle important à l'Académie française. Il joue en quelque sorte le rôle de secrétaire. Et son siècle de Louis le Grand, il le lit à l'Académie en 1687, donc le 27 janvier, lors d'une séance à l'Académie française. Le roi vient d'être opéré et pour célébrer sa guérison, donc, le poème, en fait ce n'est pas Perrault lui-même qui le lit, mais l'abbé de Lavaux lit ce poème intitulé « Le siècle de Louis le Grand ». Et le texte fait aussitôt scandale, Nicolas Boileau furieux quitte ostensiblement la séance, et c'est le départ de cette querelle des anciens et des modernes. Une véritable bataille littéraire où chacun va choisir son camp. La belle antiquité fut toujours vénérable. Mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Je vois les anciens s'employer les genoux. Ils sont grands, il est vrai, mais hommes, comme nous. Et l'on peut comparer sans craindre d'être injuste le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Si nous voulions ôter le voile spécieux que la prévention nous met devant les yeux, et lasser d'applaudir à mille erreurs grossières, nous servir quelquefois de nos propres lumières, nous verrions clairement que sans témérité, on peut n'adorer pas toute l'Antiquité, et qu'enfin dans nos jours, sans trop de confiance, on lui peut disputer le prix de la science. Du côté des anciens, évidemment autour de Boileau, on va retrouver des auteurs comme Racine, Bossuet, La Bruyère, d'autres moins connus peut-être comme Ménage ou Madame Dacier. Le cas La Fontaine est un petit peu à part, parce qu'à le lire, il n'est pas sûr qu'il ait pris véritablement fait et cause pour les anciens. Les siècles, il est vrai, sont entre différents. Il en fut d'éclairé, il en fut d'ignorant. Mais si le siècle heureux d'un excellent monarque fut toujours de leur prix et la cause et la marque, quel siècle pour ces rois des hommes révérés au siècle de Louis peut-être préféré ? De Louis qu'environne une gloire immortelle, de Louis des grands rois, le plus parfait modèle. La situation mérite attention. la publication des deux recueils des contes, les contes en vers d'abord, les contes en prose ensuite, sont sans doute pensés comme Perrault, comme une machine de guerre dans cette querelle des anciens et des modernes, pour une raison toute simple, qui est que les contes sont en prise sur une mémoire qui se présente comme une mémoire autochtone, comme une mémoire nationale, et non plus en référence à la tradition grecque ou latine. Donc on est dans une réécriture de textes qui n'existent pas comme textes. Qui sont de tradition orale. Qui sont de tradition orale, qui existent dans une sorte de mémoire nationale, qui, elle, est absolument coupée de l'Antiquité. Et la rédaction des contes est aussi contemporaine de la préparation, de la rédaction, puis de la publication en 4 volumes du parallèle des anciens et des modernes, où on trouvera d'ailleurs un éloge des contes, au même titre que du merveilleux, comme représentatif d'un esprit français totalement indépendant à l'égard des traditions grecques et latines. Les deux éléments qui sont justement fondateurs d'un genre moderne, c'est prendre un matériau nouveau et qui n'était pas complètement inconnu, mais qui était perçu comme totalement en dehors de la littérature. C'était donc des œuvres légères et fantaisistes, vraiment marginales, et sans doute des pratiques populaires, et dans les deux cas, donc rien qui pouvait prétendre à une dignité littéraire. Et donc il va prendre ce matériau-là pour montrer deux choses, que les modernes peuvent inventer des genres nouveaux, et que la littérature peut se saisir des pratiques, au fond, culturelles, les plus banales, les plus humbles, et à partir de là, créer de la littérature. Et l'œuvre de Perrault a quelque chose de provocant, de paradoxal, et j'ai pu parler à un moment de ses préfaces comme de véritables manifestes, puisque ce qu'il veut aussi montrer, c'est que le matériau n'est pas quelque chose qui est donné avant prestigieux et qu'il faut imiter, mais c'est à partir, au contraire, de quelque chose de très modeste, de très différent aussi, qui serait quelque chose qui appartient en propre au peuple français, à la nation française, à partir donc de cette matière très humble, la métamorphoser, la transformer pour en faire une œuvre littéraire également moderne, dans le sens suivant, c'est qu'elle ne s'adresse pas à des savants, mais elle va pouvoir plaire au public des honnêtes gens qui progressivement s'est formé dans l'accueil et l'appropriation des œuvres de ce qu'on appelle le siècle de Louis XIV, c'est-à-dire Molière, La Fontaine, Madame de Lafayette. Ce sont des nouveaux lecteurs qui demandent autre chose à la littérature que de la science ou de l'érudition, et c'est à cela que s'adresse Perrault avec les contes. Oui. Donc un lectorat lettré quand même. Un lectorat lettré, et Perrault utilise le terme d'ingéniosité, et il explique que les contes qui ont l'air d'être vraiment des histoires sans queue ni tête, des bagatelles, eh bien ces bagatelles révèlent des sens plus ou moins profonds selon l'ingéniosité du lecteur. Donc le lecteur peut s'investir dans ces contes pour en tirer à la fois plus de satisfaction et plus de réflexion. Et ces petites histoires étaient très à la mode, parce que dans les salons, chez ces dames, on aimait faire justement des petites histoires galantes, ce qu'on appelait des bourrimées, des petits poèmes. Le Mercure galant a publié les textes de Chryselidis, Podane, Les Souhaits ridicules, qui ont plus tard été repris et édités par Barbin. Et La Belle au bois dormant aussi, non ? Alors, elle paraît d'abord dans le Mercure donc de 1696. Et une dame, la marquise de Banneville, on s'enthousiasme à cette question que pose la marquise dans une nouvelle donc intitulée « L'histoire de la marquise de Banneville ». « Avez-vous lu La Belle au bois dormant ?» Si je l'ai lu, s'écria la petite marquise, je l'ai lu 4 fois, et ce petit conte m'a raccommodé avec le Mercure galant où j'ai été ravie de le trouver. Je n'ai encore rien vu de mieux narré. Un tour fin et délicat, des expressions toutes naïves, mais je ne m'en suis point étonnée quand on m'a dit le nom de l'auteur. Il est fils de maître, et s'il n'avait pas bien de l'esprit, il faudrait qu'on l'ait changé en nourrice. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était couvert de sang caillé et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa à mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite. Et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il en venait de l'autre. Je crois que c'était des expériences totalement inédites, hein, c'est pour ça qu'il y a un côté révolutionnaire chez Perrault. Et cette expérience inédite, elle jouait sur divers registres ou divers éléments. Et en particulier, il y avait l'idée que ces contes devaient nous évoquer des expériences enfantines, des souvenirs d'enfance, également devaient évoquer une sorte de scène familiale avec une femme, une nourrice ou une mère qui lit des contes, et puis l'adulte qui lit ces contes et qui non seulement se souvient de ses émotions antérieures, mais est amené à mesurer en quelque sorte le passage du temps et le passage à l'âge adulte et celui de la réflexion. Réflexion morale, réflexion religieuse, politique même, enfin de tous ordres. Donc il part avec le présupposé de la tradition orale quand même. Le présupposé, oui, mais dans un sens où presque il construit cette tradition, puisque cette tradition était en partie donc ignorée ou en quelque sorte allait de soi sans qu'on y pense. Hein. Et puis, d'une certaine façon, il amène à la regarder, à en prendre conscience dans sa transformation et dans sa construction. Tire la chevillette, la bobinette chère. Ah, je vois des petits chaperons rouges partout et depuis toujours, parce que finalement, quand j'étais enfant, on écoutait les contes de Perrault, on les écoutait lorsque la maîtresse lisait le livre. Gilbert Lascaux. Et puis autrement, moi ça me faisait un peu peur les histoires et en même temps. Je ne sais pas, ça m'amusait, ça m'émouvait. C'était, voilà, il y avait tout ça. Et au fond, moi j'étais très timide, mais évidemment, quand on voyait des petites camarades, eh ben, quelquefois elles avaient un pull rouge, ou peut-être un chaperon, on ne sait pas. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Perrault est capable comme ça de dynamiter même presque, j'allais dire, l'imaginaire. Ben, je crois d'abord que Perrault écrit avec précision et avec humour. Il y a toujours un moment, disons, une espèce de nostalgie, et puis il y a toujours une espèce d'ironie lorsque, par exemple, à propos du loup, Perrault parle du loup... le loup du désir, les rencontres de l'adolescente avec un homme mûr. Séducteur doucereux. Voilà, doucereux, séducteur. Et alors, mais c'est dit à la fois pour se moquer des rencontres, mais en même temps, il y a cette espèce de, à la fois d'humour et presque de critique. Il y a ça, certainement, quand Perrault parle de tout ça, ça parle de la société, en particulier dans la société aristocratique. Ça sera pareil pour La Barbe Bleue. Et donc, il y a à la fois l'aristocratie, mais c'était quand même quelque chose d'universel. Et ça marche toujours. Annie Colonia, comment est-ce qu'on peut alors relier Charles Perrault au classicisme? Et comment cette notion de classicisme s'entretient-elle avec la notion justement de modernité? Alors, dans un rapport subtil, certainement, c'est-à-dire que, bon, tout d'abord, Perrault a reçu, comme tout jeune homme de son temps, appartenant à une famille aisée, une excellente éducation, ce qui signifie une parfaite maîtrise des auteurs classiques grecs et latins, et une parfaite maîtrise du latin. Donc, une capacité à connaître parfaitement Homère, Ovide, Virgile, donc ce qui est une façon de le relier à un héritage classique très concret. Sur le plan artistique, une même relation à l'art, puisque je disais tout à l'heure, c'est une façon de se démarquer du baroque en revenant à des canons classiques en architecture, tels qu'on peut les voir au Louvre, pour nous, bien sûr, français. Donc, en ce sens, il n'y a pas rupture avec cette tradition. En revanche, le souci de la modernité, c'est peut-être de... Alors là où Perrault peut être un précurseur pour nous, c'est cette volonté de donner accès à un héritage plus populaire. Son souci, c'est de mettre en avant peut-être une proximité plus grande, oui, avec... Une tradition, une langue que n'ont pu l'être jusque-là ses prédécesseurs, comme La Fontaine. Si on compare le modèle, les contes de La Fontaine comme Eros et Psyché, c'est encore une tradition extrêmement classique, c'est sûr. Et Perrault dit lui-même qu'il a voulu faire entrer dans la littérature le petit peuple, en fait, l'expression qu'il emploie, ouvrir les princes, les faire entrer dans les chaumières. Mais avec une vision, encore une fois, on peut penser relativement stéréotypée hein, pour cette époque. Ce n'est pas la chaumière au sens où on l'entendrait aujourd'hui d'un documentaire sur la vie à la campagne. C'est plutôt l'image que peuvent s'en faire ces riches aristocrates ou ces riches bourgeois. Quel est alors cet art littéraire ? De Perrault, Jean-Paul Sermin. Ça apparaît assez bien dès les préfaces. C'est-à-dire, Perrault nous dit, vous avez des histoires qui sont dépourvues de raison, ce sont des bagatelles, ce sont des histoires qui s'opposent au roman et au fond à toute la littérature traditionnelle, puisqu'ils ne respectent pas l'ordre de la réalité, il n'y a pas véritablement de conformation aux lois du réel. Et du coup, on pourrait presque inventer n'importe quoi, hein, puisqu'il y a cette sorte de liberté. Eh bien, Perrault nous dit justement non, ça n'est pas n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à comprendre que dans ces histoires figurent des expériences humaines, des questions morales, des questions même religieuses ou politiques qui sont les plus sérieuses. Donc c'est en quelque sorte dans le plus, apparemment le plus léger, le plus décousu, le plus arbitraire, eh bien c'est au lecteur de dégager des significations, des symboles, des logiques, des questions. Hein. Donc c'est ce travail du lecteur dont vous parliez tout à l'heure hein, qui est le propre du conte. Et puis on pourrait dire aussi qu'il y a un travail proprement littéraire et stylistique hein, dans la manière de traduire dans une langue lettrée des éléments de pensée ou des styles de parole qui évoquent ou qui reprennent, on pourrait dire presque qui traduisent une sensibilité et une parole enfantine ou populaire. C'est-à-dire, au fond, arriver à exprimer dans la langue de la littérature ce qui n'appartient pas à la littérature, puisque c'est au fond une approche enfantine ou populaire du monde, hein, comme Proust par exemple va transformer en littérature les manières de parler snob du boulevard Saint-Germain. Hein, on pourrait dire que là c'est un projet, bien sûr qu'il n'est pas du tout pareil, hein, mais c'est un projet littéraire qu'on peut comparer. Oui, on lit ceci dans les pensées chrétiennes, qui n'ont jamais été publiées par Perrault, c'est un texte retrouvé, inspiré sans doute des pensées de Pascal, évidemment. On lit ceci, il faut composer en peintre et finir en sculpteur, c'est-à-dire jeter beaucoup de choses sur le papier d'abord et achever en retranchant toujours. Ébaucher en peintre et finir en sculpteur. L'ogresse, furieuse d'avoir été trompée, commande dès le lendemain au matin avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apporta au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle le fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents pour y faire jeter la reine et ses enfants. Le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste. Et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Il y a Jean-Paul Sermin, dans les contes, tout un jeu aussi entre le réel et l'imaginaire, ou entre le vraisemblable et puis le fantastique. Oui, alors là, au fond, tous les contes pourraient illustrer cette idée. On peut prendre l'exemple du chat botté, hein. C'est un chat chasseur mais qui a des bottes, donc qui est à la fois un chat et à moitié humain. Il a un sac où il met le gibier, et puis par exemple aussi au cours de son périple, quand il dit aux paysans de dire que tous les champs appartiennent au marquis de Carabas, son maître, il les menace de les hacher comme chair à pâté. Hein. Et expression populaire, expression familière, et en même temps qui est en accord avec la logique du conte, puisque ces champs appartiennent en fait à l'ogre. Et on peut imaginer que l'ogre menaçait ces paysans, hein, en donc les transformant en chair à pâté, mais au sens propre, puisque l'ogre va cuisiner et dévorer les paysans. Et donc le chat s'approprie de façon ludique et efficace une situation, mais il se l'approprie par une formule et par une sorte de jeu de mots, en jouant sur les mots. Alors les jeux du langage, le pouvoir du langage est très important là. Alors, le chat botté est un conte entièrement construit sur les pouvoirs du langage, hein, puisque le chat botté va créer des situations où les mots vont devenir des choses, où les mots vont devenir des réalités. D'une part, il va transformer son maître, qui est un fils de meunier, en marquis de Carabas. Et quand le roi va accepter cette dénomination, eh bien, le meunier deviendra marquis. De la même façon qu'il va ensuite devenir le propriétaire du château, parce que tous les paysans disent « oui, ça appartient au marquis », et à ce moment-là, il devient propriétaire. Donc, il y a aussi, bien sûr, toutes les formules magiques, etc., mais le chat botté, c'est vraiment sur les pouvoirs du langage. Au fond, l'identité, c'est l'identité que vous fixe la société, que vous donnent les formules des autres. Et si on arrive à les détourner, eh bien, on peut transformer un fils de meunier en gendre du roi. Il y a un livre qui est paru dans l'Omnibus, et ça s'appelle « Les contes de Perrault dans tous leurs états ». Et là, on s'aperçoit que, par exemple, Camille, donc, a écrit vers 1920, et Camille a imaginé un petit chaperon vert, qui n'est pas rouge. Mais lui, il est malin. Et alors, quand on a toute cette récitation et tes grands yeux, qu'est-ce que c'est ? Et alors après ça, Camille, enfin, le petit chaperon vert, recommence les histoires. Il n'arrive jamais à dire « et la grande dent, les grandes dents ». Alors finalement, le loup n'entend jamais le mot des grandes dents et le loup, perdu et malheureux, s'en va. Pouvoir du langage. Ah voilà. Ah, le langage est toujours très important. Le langage marche, le langage à la fois sauve ou le langage tue. De toute façon, le langage, c'est toujours avec la bouche et avec les dents. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans était dans le royaume de Matakin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de 7 lieues. C'était des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait. Mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. On pourrait peut-être prendre l'image des poupées russes, en ce sens qu'un conte, il y a un emboîtement en fait de thèmes, de situations, de personnages que Perrault va savoir utiliser avec beaucoup d'habileté, c'est-à-dire sur un canevas narratif qui est très souvent le même, mais sur ce canevas, Perrault ensuite va broder de manière extrêmement originale. Et bon, moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à, comme je dirais nous tous, on a tous l'impression qu'on les connaît bien, ces contes, parce que ça nous renvoie à notre enfance. Mais quand on les lit de près, en fait, il y a des jeux de mots que ne peuvent pas comprendre des enfants. Ça s'adresse à des adultes, un peu, comme on dirait en anglais, « private jokes ». Je pense à ce mot très drôle, quand le prince arrive au chevet de la Belle au bois dormant, et qu'il se penche vers elle. Alors, il n'y a pas de baiser, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais la belle se réveille, et la première des choses, des premiers mots qu'elle dit, après avoir dormi 100 ans, c'est « Vous vous êtes bien fait attendre ». Or, si on réfléchit à ce que signifie cette remarque, cela veut dire qu'elle connaissait ce prince. Or, elle dormait depuis 100 ans, elle ne pouvait pas le connaître. Et qu'elle l'attendait. Et Perrault explique de manière très drôle et avec beaucoup d'humour et de délicatesse qu'en fait, la princesse, eh bien disons-le tout net, a eu des rêves érotiques. Et que c'est pourquoi elle attendait donc son prince avec impatience. Et puis il ajoute, lorsque la nuit de noces est enfin consommée, le prince dort, il est fatigué, c'est normal, il a traversé beaucoup d'épreuves. Et il dit, la princesse ne dormit point, entre parenthèses, car il aime bien user des parenthèses, elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle avait dormi, donc, 100 ans. Je vais le chercher. J'ai imaginé que la Belle au bois dormant s'est réveillée. Gilbert Lascaux. Dans le lit, il y a à la fois le prince charmant et la Belle au bois dormant. Et la Belle dit, « Tu sais, mon amour, pendant plus de 36 500 jours, pendant plus de 36 500 nuits, et même les 29 février des années bissextiles, j'ai dormi. Je rêvais parfois, et parfois je ne rêvais pas. Il me semblait à certains moments que je me réveillais, à d'autres moments que je m'endormais. Il m'arrivait, dans mon sommeil, de lutter contre l'insomnie. » Et tout de suite après, on imagine que finalement, le prince pousse un grognement, puisque le prince lui est bien réveillé. Il se retourna vers la belle qui le prit dans ses bras. Elle n'avait pas sommeil, elle savait qu'elle n'aurait plus jamais sommeil. Autrement, là aussi j'avais essayé d'imaginer des rêves de la Belle au bois dormant, et elle rencontrait des personnages venus des autres contes. parfois arrivaient dans mes rêves incohérents, des gens venus, je ne sais d'où, et que je n'avais jamais rencontrés dans les 15 premières années de ma vie. 7 petits enfants marchaient dans une forêt obscure, guidés par un père bûcheron et une mère bûcheronne. L'aîné des petits enfants était roux, comme je suis rousse. Le même roux exactement, le plus petit des enfants jetait derrière lui des miettes de pain et les oiseaux venaient les manger. Un chaboté se plantait devant moi et me criait « Si tu ne dis pas que ton corps appartient au marquis de Carabas, tu seras haché menu comme chair à pâté. » Une petite fille habillée de rouge m'apportait un petit pot de beurre et une galette. Donc la dormeuse disait, j'allais parfois dans des lieux que je ne connaissais pas. Alors on peut aussi rencontrer d'autres romans. J'allais parfois dans des lieux que je ne connaissais pas, dans l'île aux 30 cercueils, dans un château des Carpates, dans une caverne au centre de la terre. Je voyageais. Mais alors... c'est toujours de voyager. Au fond, Perrault a surtout été un Parisien. Il a surtout travaillé tout autour de Louis XIV, Versailles, le Louvre, les bureaux. Mais finalement, avec les contes de Perrault, ça voyage partout. Et nous retrouvons dans des tas d'histoires confuses ou précises qui se racontent partout. Si vous étiez moins raisonnable... je me garderai bien de venir vous conter la folle et peu galante fable que je m'en vais vous débiter. Une aune de boudin en fournit la matière. Une aune de boudin, ma chère. Quelle pitié, c'est une horreur, s'écria une précieuse qui, toujours tendre et sérieuse, ne veut ouïr parler que d'affaires de cœur. Ce conte est très paradoxal et très étonnant, parce que c'est une histoire... gauloise. L'acteur principal, c'est un boudin qui pend au nez d'une épouse. Alors, comment ce boudin entre en scène? C'est un bûcheron qui se plaint d'être au fond, accablé par le sort de toujours travailler et de n'avoir jamais de quoi vivre. Et pour une fois, Jupiter décide de satisfaire 3 souhaits. Et à ce moment-là, au cours de cette formulation des souhaits, il se dispute avec son épouse et il demande son premier souhait, c'est d'avoir des boudins pour bien manger, donc une satisfaction immédiate. Et puis, dans la dispute avec sa femme, il souhaite que ce boudin pende au nez de sa femme pour la punir de toujours trop parler et de trop répliquer. Et donc, comme il ne lui reste plus qu'un seul souhait, comme c'est un homme qui n'est pas méchant, il veut rendre à sa femme un aspect plus plaisant. Et son troisième souhait, ça sera d'annuler le précédent, donc d'enlever le boudin qui pendait au nez de sa femme. Alors, voilà la moralité en deux temps. La moralité qui est d'abord la conclusion de l'histoire, puis la moralité. Ainsi, le bûcheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écu ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait, faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien donc est vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user des dons que le ciel leur a faits. Alors, pour le lecteur qui découvre ce conte, on peut dire que sur cette histoire qui est la plus grotesque de l'ensemble, c'est la seule moralité sérieuse de tout le recueil. C'est une moralité sérieuse qui a des implications profondes et multiples, puisque on peut dire que les dons sont un des épisodes ou des matériaux des contes de fées, puisque la scène des dons qui au début, par exemple, de La Belle au bois dormant, donc les enfants peuvent être doués de qualité. Bon. Ces dons naturels posent des questions également d'éducation. Est-ce que la formation de l'enfant va dépendre des dons innée, en quelque sorte, de l'enfant, ou est-ce que ça va être l'effet d'une formation? Et beaucoup de contes de fées de Perrault et d'autres conteuses, hein, pensons par exemple à La Belle et la Bête du XVIIIe siècle, vont tourner autour de cette question du don et de l'éducation, de la formation. Mais cette moralité pose une autre question. C'est une question qui est au centre de débats religieux au XVIIe siècle, débats religieux qui s'appuient sur la pensée de saint Augustin. Une des idées majeures de saint Augustin est que l'homme est un homme de désir, mais que nous tournons nos désirs vers des objets humains, des objets imparfaits, des objets en quelque sorte réduits, et que par là nous sommes condamnés à l'insatisfaction. Et saint Augustin nous dit, au fond, il n'y a qu'un seul objet qui pourrait nous satisfaire, c'est tournons-nous vers Dieu. Donc ici, il y a aussi l'évocation de ce débat sur quel objet peut satisfaire le désir humain. Et puis, il y a peut-être aussi une troisième échappée, si vous voulez, de ce conte, ça serait, peut-on savoir ce que nous désirons vraiment, c'est-à-dire, et là c'est une question très moderne, hein, enfin qui aujourd'hui disons est très actuelle, c'est puis-je désirer vraiment ce qui va me combler si je ne le connais pas à l'avance, en quelque sorte. Marc Escola. C'est tout le mystère de la position adoptée par le conteur dans les contes en prose, surtout, que de nous dire « je vais vous raconter une histoire que vous connaissez déjà », sauf que cette histoire n'existe nulle part ailleurs que dans le conte que nous lisons. Donc on nous demande de prendre cette distance-là, de se tenir à distance de la fiction, mais dans une forme de complicité aussi, et avec le conteur et avec d'éventuels auditeurs. Et puis le conte aussi nous demande à la fin, dans une moralité qui est elle-même souvent très, très ironique et irrévérencieuse, de tirer de ce petit récit une morale, comme on le ferait pour une fable chez La Fontaine. Mais une morale qui, la plupart du temps, est très humoristique, dont on ne ferait rien, je crois, dans une vie chrétienne ou même dans une vie sérieuse. C'est là encore une parodie de la position de lecture allégorique qui de tout texte tire une maxime de comportement. Irrévérence, je dirais, tout le temps, sur tous les plans, contre tout le monde. C'est-à-dire, c'est une irrévérence, bien sûr, contre le monde académique, en proposant des histoires aussi différentes, hein, aussi apparemment dépourvues de raison, hein, comme au XXe siècle, on peut penser au caractère provocateur qu'a eu le cinéma, la bande dessinée ou la musique de jazz au départ. Hein, c'était des genres installés et une conception légitime de la littérature ou du dessin ou de la musique. Mais à l'intérieur des contes, c'est toujours plein d'irrévérence, y compris contre les femmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette accusation qui revient de misogynie, hein, mais c'est un élément d'une composition complexe et qui n'est pas du tout porteur du sens principal du conte et de l'intention de Perrault. Si on prend un conte moins connu, mais très riche sur ce point de vue-là, qui est Griselidis. Hein. Griselidis, c'est une histoire... C'est une première nouvelle en vers, fait. Voilà, du temps passé, cette histoire, nous dit Perrault, au fond, pour un public moderne, elle est atroce, elle est illisible, hein, puisque c'est une femme persécutée par un mari complètement fou, sadique, on dirait en termes modernes, et qui, au fond, s'incline, accepte tout au nom de principes religieux, puisque le mari, c'est un représentant de Dieu sur Terre, comme on doit obéir à Dieu, on doit obéir à son mari, aussi fou soit-il. Bon. Et Perrault dit, mais au fond, ces contes-là ne vont pas du tout intéresser les lectrices modernes, parce qu'aujourd'hui, la société a totalement changé, ce sont les femmes qui gouvernent, et donc elles n'acceptent pas cette soumission. Alors, si on replace ça dans le contexte, Perrault sait bien que, bien sûr, Chrysélidis ne peut plus être un modèle moderne. Il sait aussi que la position des femmes à son époque n'est pas vraiment de gouverner les hommes, c'est une position qui reste quand même subordonnée et soumise. Donc, double provocation, parce que Perrault veut nous amener à penser que le message du conte est ailleurs, et il dit, avec cette histoire ancienne, je le fais parler un petit peu, hein, je vous propose une réflexion sur ce qui est un principe encore dominant de la société, qui est le principe politique de l'absolutisme, un roi absolu, dans une autorité dans le couple où le père et le mari gardent un pouvoir qui n'est pas absolu, mais qui est quand même presque divin. Et je vous montre un peuple et une femme qui se soumettent, et les effets de la soumission, c'est de favoriser finalement un mal absolu, qui est le mal du mari, qui se prend pour Dieu. Si vous vous prenez pour Dieu, vous devenez fou. Hein. Pour Perrault, c'est de la folie, et c'est donc amener le lecteur et l'électrice à réfléchir sur la légitimité du pouvoir, et peut-être la nécessité de la révolte. Hein. Oui. Mais alors là, c'est intéressant parce que quand on sait que Perrault a été toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie, un peu le chantre du roi, et un peu celui qui était complètement, enfin qui faisait la gloire du roi. Sans doute, à partir donc, de 1680-1690, au fond, la situation presque particulière de Perrault, qui perd sa position, et son poste et son pouvoir, l'amène peut-être à rejoindre ceux qui étaient restés plus critiques à l'égard de cette évolution politique et qui en montraient les dangers et même les perversions. Et on pourrait dire qu'effectivement, les contes de fées sont plutôt un retour critique sur les dangers de l'absolutisme. À l'époque, c'est la position d'un autre grand écrivain qui lui aussi a écrit des contes de fées, évidemment beaucoup moins connus, qui est Fénelon. Et on peut dire qu'ils se rejoignent dans cette sorte de réflexion inquiète sur le pouvoir absolu, et c'est quelque chose qui va ensuite évidemment prendre énormément d'ampleur au cours du XVIIIe siècle. Là, c'est intéressant aussi parce que cela nous ouvre peut-être des pistes dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire à la fois comme Fénelon avec Télémaque, les aventures de Télémaque, c'est-à-dire une sorte d'éducation politique du prince, une sorte de leçon pour rapprocher le prince de son peuple finalement, et on a la même chose chez La Bruyère, et peut-être aussi une prise de conscience d'une certaine façon de ce que pourrait être la misère de ce peuple. Je pense encore au Petit Poucet, cette famille obligée d'abandonner ses enfants. Il y a un parallèle que l'on peut faire avec la façon dont La Bruyère dénonce la misère des paysans, avec des textes très durs dans les caractères, très forts sur ces paysans présentés comme des bêtes obligées de travailler la terre, comme des animaux. Alors on ne peut pas parler, ça serait prématuré, de dénonciation d'une misère, hein, mais il y a quand même cette idée qu'un prince doit prendre conscience de cette situation et peut-être agir en conséquence. Ça serait aussi l'une des leçons du Petit Poucé, c'est-à-dire une ouverture là vers finalement ce que deviendra l'esprit des Lumières. Sur les murs de la Cité des Loups, on peut lire l'affiche « Exiger le véritable chaperon ». Il se reconnaît à son emballage rouge. Avec Gilbert Lascaux, Annie Colonia, Jean-Paul Sermin, Marc Escola. Les textes sont lus par Maurice Bénichoux, et tous les livres sont à retrouver sur le site de France Culture. Prise de son, Yves Lehorse, Frédéric Cayrou, Bruno Martin. Coordination, Anne de Biran. Mixage, Claude Niort. Une émission de Simone Douek, réalisée par Dominique Costa. Charles Perrault, 1628-1703, et c'est donc par lui que nous achevons notre cycle sur les conteurs, même si, rassurez-vous, nous serons amenés à reparler des écrivains de la féerie, ce sera dans le courant de l'année, mais n'en disons pas trop encore. La semaine prochaine, nous repartons vers le 19e siècle avec l'un des dramaturges français qui reste parmi les plus joués. Je veux parler de Georges Feydeau, né en 1862 et mort en 1921. D'ici là, bonne semaine à l'écoute de France Culture.